in automne, il y joue au Magic Zelda dans un plein de points. 76% de rejet à la radio. Oh oh oh oh Oh, on reconnaît la voix d'Israël Trudel-Denis ici. Ben oui, il est de retour. De retour pour vous parler de caca comme plus que jamais, comme dans le temps. Comme dans le temps. Et voilà, on commence à 70%. Ouais, justement, Israël, Tommy voulait t'en parler, là, vu que c'est sa fête, il aimerait ça que tu parles pas de caca ce soir. OK, ben bonne fête, Tommy. À la maison, on dit bonne fête, oui. Ok, sérieux, ce dernier assaut là, hein? Rep Brown, man! La superstar de mangeur de salade des années 80 qui est allé faire un film pour un délai d'Italien mégalomane. Bruno Mattei, bien sûr. Là, je parle pas de Bruno Corbin qui va aller des nouvelles. Non. Merci non. beaucoup d'avoir souligné ma fête. Mais c'est pas vrai. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. Puis la variété, c'est important. Et donc, Israël, surtout, il y a la machine fécale là, qui est en ville. Là, fait que moi, je pense qu'il faut pas que tu te retiennes. Tu sais, Là, elle est en ville. Là. Pas oui. se retenir, ouais. Ah, ouais. Oui. On l'a ici avec nous en studio. On l'a invité. Sinon, ben, c'est quoi? On a Étienne qui est membre d'un band qui s'appelle Le son des baleines. Le son des baleines. Non, c'est en anglais pis tout. Le Sound of Sea Animals. Et voilà, The Sound of Sea Animals. On a quoi, Stéphanie Balthazar? Elle est là, mais elle a pas de micro. Elle arrête pas, man. Je te passe mon micro. Hey, merci. Et voilà, qui va nous faire une chronique sur tantôt. Ah, aujourd'hui, je vous explique comment prendre une bonne décision. Tabarnak! Hein? Enfin, vous avez peur? Bon, Pierre-Alexandre va nous faire une espèce de je sais pas, de topo sur la taille de ses boxeurs. Puis Étienne Forêt, toi, c'est quoi? Tu nous as repassé encore des feuilles? Oui, j'ai des feuilles encore parce qu'on poursuit notre magnifique tour du monde de la cochonnerie. C'est-tu les mêmes pays que la semaine dernière ou t'en as rajouté des nouveaux? J'en ai rajouté un nouveau, puis j'ai enlevé ceux qu'on avait déjà visités puis pour lesquels j'avais plus de matériel. C'est bon. Voilà. Donc, c'est une émission chargée, on ferait mieux de s'y mettre tout de suite. Et voilà, on va commencer avec... une excellente nouvelle. En fait, c'est le bourreau... C'est quoi son nom? C'est le bourreau langoureux. Ça devient Gilles Langoureux. Gilles Langoureux. Et voilà, on va écouter Mets les voix. Ah oui, ça c'est bon. Ça. C'est vraiment la folie. Au complet? Je sais pas si on va être capable. On va écouter Mange du porc, en tout cas. C'est 7 minutes. Je sais pas s'il va la lancer. Il est capable, hein? Moi, je vais parler de Dernier Assaut, en tout cas, c'est sûr. Dernier Assaut, c'est cool. Là, elle avait pas joué. Fait qu'on va écouter Thalassocratie. Oh, je peux te la mettre, moi, si tu veux. Ah, tu l'as? Ben oui, mais là. OK, ben là. Mon PC, là. Je passe. Une émission chargée, une émission chargée. C'est ça qu'on veut écouter. C'est apprécié qu'on est équipé. Gilles Langoureux, c'est la craze. Laissez-vous porter par les paroles tellement vraies. Mange superstar. Du porc. Ça part pas plus, hein. Ça va bien, notre affaire. Tu vois, c'est la première idée qui est la meilleure. C'est tout le temps quand c'est important que tout tasse. Fait que là, on va écouter Thalassocratie pour vrai de Frank Black parce qu'il connaît ça, lui. C'est important à connaître ça. C'est vrai. Just see the hand. My name is Michel Libier from UKM Internet in France. My job is tough. I do the troubleshooting with Bluetooth, wireless Ethernet, cord, although it doesn't work properly quite often. When I'm finished, tired and breathless at my house, I French my spouse and listen to 70% Swasson Disposal. Oh, comme c'était beau. Ben oui. Alors on est en nouvelle. Alors, écœuré de voir les papiers de bonbons qu'elle vend traîner dans les rues, Yvonne Froud, propriétaire de dépanneur de Gloucestershire, en Angleterre, a décidé de contre-attaquer. Sa solution, elle écrit le nom de l'enfant auquel elle a vendu les bonbons sur les emballages. Ensuite, si elle retrouve l'emballage dans la rue, elle a une discussion avec le coupable et le bannit temporairement du magasin. La campagne a commencé il y a 4 semaines avec l'arrivée des fêtes de Pâques, alors que les enfants ont été encouragés à ramasser leurs emballages. En général, les réponses sont positives, affirme Madame Froud. Ah, ouais, hein. Elle est impliquée. Elle a du temps. Ben merci Bruno, chose à un autre, ça va bien. Ok, c'est bon. Alors, la preuve d'ADN pour un vol de bijoux de plusieurs millions d'euros à Berlin mène à deux frères jumeaux ayant chacun un dossier criminel, mais comme la preuve pourrait pointer l'un ou l'autre des deux frères, chacun des frères ne peut pas être accusé. La loi allemande stipule que chaque criminel doit être individuellement prouvé coupable. L'ADN des frères O est tellement semblable que les deux auraient pu commettre le vol et qu'aucun ne peut être reconnu coupable. Oui. Oh, ils sont rendus blindés. Bon, la loi leur a donné l'alibi. Exactement. Merci, c'est bien fait. Hey, sinon, après ça, c'est quoi qui se passe? C'est toi, t'as sorti des manteaux au bacon. J'ai sorti des manteaux au bacon. Voilà. J'ai été les chercher dans ton manteau à toi-même. Ouais. Toi qui aimes tellement ça. L'amour merci, du bacon, la passion Laurent. Du bacon respecte sa chaleur. Alors, les amis autour de la table vont goûter. On a toujours tout avoir nos impressions. Oui, c'est pas un problème. Ouais, dites-nous vos vraies impressions après. Là, ça peut sortir quand que ça veut. On peut y aller, je pense. Ouais. Ouais, c'est parti. Si c'est pas beau, ils viennent de communier à Manteau au bacon. En écoutant en fond sonore Castlevania 4, on va avoir ici toutes sortes de feedback. Oh. Pierre-Alexandre. Le bacon s'en vient. Ça commence avec un goût de menthe, le fun, puis tout à coup, le bacon embarque. Ah, moi, il est embarqué pas mal vite. On sent qu'il aime ça, lui, il a reconnu. Ça goûte les juliennes au bacon. Ouais. Avec un petit goût mentholé. Ah, c'est ça. Ben, c'est comme si tu mangeais des juliennes au bacon, ouais. Mais juste après que tu te sois brossé les dents. C'est bon. Donc, merci. Ben, sinon, on va y en poser des questions. Toi, Étienne, tu fais de la musique. Ouais. Tu fais de la musique instrumentale. Ouais. Avec des instruments de musique. Ouais. Tu vois, jusqu'à là, on se tient. Ouais, c'est fort. C'est quoi, t'as amené ton stock puis tu vas en faire une live? Ben, je pense que c'était ça. Bon, ben, yeah, tu vois, hein, on s'est bien tenus parce que Jessica est pas là ce soir parce que... Hein, ouais, elle est partie faire de l'argent. Voilà, il faut mettre du beurre sur la tartine. Moi, je te dis, mets-toi ready parce que pendant que tu te prépares, là, il va y avoir notre ami Étienne Forêt qui va faire la première bout de sa chronique. Ben, moi, j'avais une question pour Étienne avant, puis j'allais vraiment sur le cœur depuis longtemps. Un moment donné, j'ai été te voir au Diable Orange, ton show, puis t'étais pas là. Règlement de compte. T'as été bonne, hein? Ouais, comment ça? Ah, toi, tu pensais que c'était pour vrai. Penses-tu que je vais aller te revoir après? Ouais. Déçoir le monde de même? Chris? Ouais, ça avait été cancellé à dernière minute. Bah, dernière minute, certain. Ben là, il s'en vient repentant de nous présenter son stock, là. Calme-toi, bébé. Bon, je vais aller chercher ça, je me prépare. Et voilà, il est en train de matérialiser les choses. Pendant qu'on va aller dans l'enfer, DJ George. Oui. Mais d'abord, une courte pause. Après la pause, DJ George traverse l'enfer de la drogue à 70%. Le beau jeu à Chicoutimi, c'est exceptionnel. Le beau jeu à Chicoutimi, c'est là où se retrouve une clientèle de choix en mesure d'apprécier le talent des plus belles danseuses du genre. Le beau jeu à Chicoutimi vous propose chaque semaine des spectacles de qualité avec de super vedettes provenant de Montréal, Toronto et Vancouver. Le vrai club où l'on apprécie la clientèle de bon goût et où l'on vous présente chaque semaine des danseuses de rêve, c'est sans contredit le beau jeu, rue Jacques-Cartier à Chicoutimi. Et oui, le beau jeu à Chicoutimi qui importe ses danseuses d'ailleurs pour garantir une certaine fraîcheur. Donc ça, ça passait à télé, hein, d'habitude. C'est très beau. À la télé, il y avait du saxophone, j'ai beaucoup apprécié. Oui, de Chicoutimi. Bon, alors Tommy, on continue notre super tour du monde de la pochitude. Sors-moi un pays de ton choix sur cette liste. Je vais prendre le Danemark parce que j'ai un lien spécial. Avec le Danemark? Ouais. Ah oui, oui, c'est vrai, je me rappelle. Bon, eh bien, avec le Danemark, aujourd'hui, je te propose une autre cover d'une toune poche danemarquée. Meta. Meta cochonnerie. Hey, Spencer! Hein? Heb je zin om met mij een avondje te gaan stappen? Wie denk je wel wie je bent? Ik heet Moppy, ik ben lekker mee. Alors, ce qu'on apprend ici, c'est que Ken en danois, c'est Spitter. Puis qu'il a l'air bien plus cochon que le Ken anglophone. Il a l'air d'un gros mononcle vicieux. Écoutez-le ici, là. Il semble que moi, être Barbie, j'aurais pas le goût de me retrouver dans la même auto que Spitter. Il a l'air en crise. Il a l'air d'un croisement entre un vieux mononcle vicieux puis Hitler. C'est rien pour nous rassurer. Ah, Israël, tu vas nous faire voyager dans le monde? Choisis un pays à ton tour. Ah, j'ai choisi un pays. Je veux aller à Madagascar. Oh, Madagascar. Eh bien, le Madagascar, j'ai une super star du Madagascar ici qui s'appelle le Poupi. Poupi, Poupi, et oui, qui nous chante ici Gina Gina. Ça s'écrit Gina Gina, mais ça se prononce Gina Gina. Regardez comme c'est joyeux. C'est ouais. Poupi. Fait qu'on dédie ça au nouveau président du Madagascar là, qui a été élu il y a pas si longtemps. Qui est un DJ lui aussi. Alors en DJ, on s'envoie la balle. C'est son prénom ou c'est sa fonction? C'était sa fonction avant d'être premier ministre ou président, je sais pas comment il appelle ça là-bas. Là. Il était DJ. Il était maire aussi de la capitale, juste avant. Il a gravi tous les échelons. Ben oui, correct, il a commencé DJ, après ça, il était maire. Après ça, président. Bruno, où est-ce que tu nous envoies? Ben, moi, je vais faire un lien, je vais choisir pour Étienne, je vais dire la Chine. Hey, c'est drôle, Bruno, parce que c'est Madagascar. Mon père vient de Madagascar. Pour vrai? Ouais, oh. C'était fait. Hey, le destin à soi! C'est fou! Wow! Incroyable. Eh bien, la Chine. Il n'y a pas de Chancun à Madagascar. Ben, du don à lui. On va l'appeler puis on va mettre ça au clair. Tiwan, si on te bat à l'émission la semaine prochaine. En attendant, on s'en va écouter Banzai en Chine. Ça, c'est une pièce instrumentale. Et tout ce qu'on a, c'est des cris de combat, de karaté. Ah, je l'aime. En fait, c'est tiré de l'album Chinese Kung Fu, Rhythm Kung Fu. Et c'est écrit sur la pochette « Danser par les Claudettes ». Alors, c'est un album où on nous spécifie qu'il y a des gens qui ont dansé en studio pendant l'enregistrement. Donc, on peut les entendre ici. Oui, ils dansent. Là. Ils dansent. Ah oui, ça paraît. Ça paraît tout de suite. Ouais. On sent les vibrations dans l'air ouais, que ça crée. Les danses des Claudettes. Hey, c'est vraiment joyeux. C'est bon. Ça fait décapotable. Mais hein, ça fait comme fou groovy. Toi, Pierre-Alexandre, choisis un pays aussi. Ouais. C'est ton tour. Parce que ça commence à être insupportable. On va aller en Hongrie. En Hongrie, d'accord. Hongrie, c'est toujours le fun. Je vais vous faire jouer ici 100 Fox Celsius. Je sais pas dire le chiffre 100 en hongrois. Ah, c'est ça. Il chante Videki Kishlan. Mon hongrois est un peu rouillé, mais je pense que ça veut dire fille des prairies. Ça, là, ça ressemble à du redneck. Ouais. Ouais, ça ressemble à du redneck. Ça ressemble à hongrois. Ça ressemble à Cotton Eye Joe. Ouais, Cotton Eye Joe. Puis il y a du petit beat dance. Est-ce que c'est de la méta-cochonnerie, non? Possiblement, parce que j'ai une autre version de la même maudite tune chantée par Phonograph. Mais eux autres sont plus bluegrass. Ah, déjà, c'est un petit peu moins douloureux. Ouais, ben, on sait pas, hein? Imagine, mec, que ça parte, ça peut l'être. C'est quand même douloureux aussi, mais différemment. Ça change de mal. Tu vas-tu avoir du yodel dedans? Non, malheureusement. C'est un gros ça aussi. Tu sais comment qu'on aime ça, le yodel. Ouais, les poils m'ont relevé. Est-ce que tu viens de choisir un pays? Ouais. Ben là, j'hésite entre la Tchécoslovaquie et les Nations Apaches. Pas facile. Ah, moi, j'ai avec les Nations Apaches. Ouais, c'est avec les... Allez, allons-y avec les Nations Apaches. Je pense que c'est vraiment le pire possible. C'est bruit de gorge. C'est vraiment quelque chose. Juste un instant, attends que je retrouve. Et c'est la chanson de l'éclair Apache. Alors, c'est l'Indien Lakota qui nous interprète ici sa chanson de l'éclair. L'éclair représentant, bien sûr, la douleur qu'on a avant de prendre du Lakota. Hey, c'est vraiment pur, ça. Ah, oui. Écoutez les émotions. C'est là, là. Mais ça, ça a été enregistré, je pense, quelque chose comme en 1300, là, avant que l'homme blanc... sur un tronc d'arbre. On a retrouvé ça gravé sur une planche de bouleau. Et en gros... ça dure 2 minutes 18, puis c'est toujours exactement le même. Là, on est un peu dans le couplet. Puis, je peux peut-être l'avancer un peu jusqu'au refrain. Et voilà, ça, c'est le refrain. C'est vrai que ça n'a pas changé. Ah non, mais c'est complètement différent. Il faut porter attention. Alors, voilà, ici, on chante les vertus de l'éclair et du Lakota. Ah, c'est voilà. Vraiment hypnotisant. C'est bon, on n'a plus le goût de l'arrêter. Stéphanie, à ton tour, je te passe même un micro. Ah, j'aime ça, merci. Une petite dernière, et après ça, on va se lancer hein? Dans l'univers haïtienne, l'autre. Moi, je me sens... je me sens Italie, tiens. Oui, si italien à si bon prix. Puis en plus, il y en a tellement de la marde italienne. Il y en a plein. Ah oui, surtout dans les VHS. Eh bien, je vous ai déjà fait jouer plusieurs tunes de mon préféré, Eduardo. Voyons donc. On baisse un peu la page. Eduardo, je vous ai fait jouer Les filles comme toi. J'ai perdu ma carte orange et j'en ai une autre bonne ici. Si j'avais 1000 euros par jour. Ça commence comme Money de Pink Floyd. Mais là, tout à coup, oups, ça change un petit peu de sens. Money! Pays du gaz! C'est tiré de son album Eduardo.com. C'est vraiment ça pour vrai, là. C'est même pas une joke que je fais. Alors ça c'est l'intro musicale, je vais avancer un petit peu. Je mangerai tous les midis à la coupole. Si j'avais 1000 euros par jour, j'aurais c'est sûr un air un peu plus drôle. On est vraiment polis avec nos invités pareils, là, je veux dire, on fait jouer ça. Ouais, puis après ça c'est eux autres. Après ça c'est à vous autres. Je veux dire, Étienne, tu vas nous interpréter quelque chose que t'as composé toi-même. Ouais. Est-ce qu'on entend bien? Oh oui, on va bien entendre. Oui, t'inquiète, ça va bien aller. Là, parle-nous un peu de la toune, là, je sais pas, lance-toi. Ben, ça tombe bien, la toune s'appelle The Traveler. Bon, ben oui. Ah, ouais, c'est merveilleux. Ben, on dirait qu'on s'est organisé. Ouais, c'est fou. Ça va comme suit. I race around the world as I lay sleeping on my bed. I'd rather dream than use my legs. I don't get tired in my head. oh never. I've seen a thousand places from thousand books that I have read. And I pretend I took the pictures and wrote the books as well. Oh yeah, I'm the best at doing nothing, and I don't need to wait. I don't need transportation, I learned to fly all by myself. Just so difficult to land, I would stay above your heads forever. Sometimes I feel like going out, sometimes I wonder where I am. I made myself a clean new version of a life that I once led. Oh yeah, I'm the worst at doing anything, and I don't really care. Senti que les Bacon Men t'avaient inspiré, ben je pense. Oui. C'est presque aussi bon. Ben c'est drôle, j'ai comme l'impression que c'est des Julien au Bacon. Ça me donne l'impression reste. Hey, moi, je vais parler un petit peu du film, hein, parce que ça fait partie de l'émission, c'est le corpus, un petit peu. Ben oui, ben c'est ça, puis c'est ça qu'on s'en va voir après au brouhaha. Au brouhaha, ben oui, c'est en fait, je pense qu'à part de... C'est quoi l'autre déjà? Il y a Mike Danton... Jack Cooper. Proie mortelle. C'est ça. De, oui, oui, voilà. Ouais. Lorsque la proie devient le prédateur. Ouais, c'est ça. Je pense qu'à part celui-là, le film de ce soir qui s'appelle Strike Commando ou Dernier Assaut, c'est mon douteux préféré. C'est à part Deadly Prey. Ah, à part Deadly Prey. Oh, moi, ça, ce film-là. Là. En fait, c'est à cause préféré. De ce film-là que j'ai rencontré Simon Chénier. Parce que j'avais prêté l'original, le seul que j'avais jamais vu, à un gars. Puis lui, ben, il s'est dit, c'est de la merde. Fait qu'il l'a perdu dans un déménagement. Ce qui ne manqua pas de me mettre en petit pépère. Mais là, après maintes et maintes recherches sur Internet, grâce au concours de Nanarland, j'ai réussi à mettre la main sur un gars avec des lunettes puis bien plus d'affaires intéressantes que juste Dernier Assaut. Mais c'est hot, je veux dire, on s'est rencontrés de même grâce à Red Brown et Strike Commando. C'est beau. Et Bruno Mattei. Dernier Assaut, 1987, Bruno Mattei, Italie, en pleine face. Si on se place dans ces années bénies, on se souvient que Rambo 2, c'était fort. C'était fort au point où quelqu'un a décidé à un moment donné de prendre le scénario et de le plagier un petit peu. On a le droit de faire ça? Mais en fait, pas vraiment un peu. Dernier Assaut, Strike Commando, c'est de ces classiques du domaine qui offrent une variété de questionnements à portée de toutes les bourses intellectuelles. Puis je pense que quelque chose de très précieux dans ce film-là, c'est qu'ils ont pris le scénario de Rambo 2 et ils l'ont refait à rabais. Moins bien. C'est fabuleux. Pour ne nommer qu'une des nombreuses particularités qui vont vous faire crouler, je songe rapidement comme ça au demi-lune du film. Demi-lune, oui. Bien sûr, qui est le, oui. C'est le petit garçonnet ou le petit enfant orphelin qu'on sait pas pourquoi qu'il suit. Un Vietnamien qui parle en anglais ou en français, dans ce cas-là. Sûr. Il est tout à bien impliqué, puis presque élément comique. Dans celui-là, le demi-lune, c'est un deuxième rôle qui vous marquera à jamais. Son cerveau caramélisé, manifesté en un grand amour pour les sucreries, les personnages de dessins animés et les États-Unis de la liberté. Cet attendrissant personnage maudit d'un dessin à rebours saura attendrir notre héros au point de développer une relation unique avec Michael Ransom, l'Américain. Mike Ransom, un autre nom de héros avec, tu sais, un petit peu trop de coolness peut-être. Dans la lignée des John Matrix, Mike Denton, Jack Cooper, John Hogan, Bob Violence, Raymond Grabuge et Bill Baxter. Et puis bien sûr, toute cette grande arbre généalogique de l'édulcoré de muscles en bédaine pour rien. On s'en doute, Madame Ransom a mis au monde un gars qui a raison. Musclé fort, Michael Ransom, l'Américain, est au cœur de l'action et, d'ici 90 minutes, va tout mettre en œuvre pour se retrouver seul personnage, outre l'inénarrable Mike Monty, à survivre au conflit en cours. Oui, à la fin, il y a un gars debout encore. Puis il se permet de faire du Bruce Willis, mais, de toute beauté. Donc, exactement, Mike Monty survive au conflit. Faut dire que, bon, c'est ça, c'est sûr, c'est la guerre froide, la vraie, la pure. Exactement celle que l'on avait dans Rambo 2. La vraie, la pure et la dure guerre du Vietnam. Comme dans le vrai monde, après tout, c'est ça. Rambo 2 puis le vrai monde, on est là. Les communistes avec des étoiles rouges, les Américains avec la bédaine pour rien. Les uns représentent la liberté, les autres savent même pas tirer. Les Américains sont gentils et impliqués dans les souffrances du petit, très, très petit peuple vietnamien. Les rouges, eux autres, sont simplement, mais ô combien, méchants. Mais en fait, comme tous les communistes de tout le temps, de si pour toujours d'ailleurs comme ici, ils sont méchants. Et puis dans ce film-là, ben, on va l'apprendre encore de différentes façons, mais de façon qu'on a déjà vu avant. Et puis là, ben, comme le héros est profondément en quarantaine et demie, on va écouter ici... on va baisser tranquillement le Dracula, c'est ça, hein, c'est des bonnes tunes, c'est des bonnes tunes. Mike Ransom est abandonné en zone ennemie par son commandant méchant. Finalement, il réussit à s'en sortir grâce au secours du demi-lune au susmentionné cerveau caramélisé. Et puis là, ben, il va reprendre connaissance après un long moment de coma et d'agonie. On sent qu'il souffre là, pour s'en remettre. Il y avait comme une dizaine de personnes qui étaient debout à côté du lit. Et voilà, le village se réunit en conseil. Américain! Américain! Américain! Écoutez bien ça, ça va être beau. Arrêtez, c'est un Américain, c'est un sauveur! Ben oui, il est pas communiste. Un Américain! Yeah! Américain! Américain! Ils sont bien, je suis salé. Américain! Approchez-vous de lui! Allez le toucher. Je pense que c'est un Américain. T'es un peu là, j'ai pas suivi. Y a-tu un Américain dans l'histoire? Ou... Ils sont vraiment. Elle dit encore dans les tournes des Nations Apache. Ça ressemble. Ça va être un Canadien si on avait une Américain. Vous êtes Américains, vous êtes notre sauveur. Alors voilà, c'est qui FD? Ça, c'est le missionnaire. Ça suffit! Il est notre prisonnier! Tuez-le! C'est un ennemi, alors il faut le détruire! Il est votre ennemi, soit! God, yeah. Mais c'est inutile de le tuer puisqu'il est prisonnier! Non, mais même pas remarqué! Pourquoi voulez-vous que je tue un homme désarmé à bout portant? Parce que la Chianli doit être détruite! Américain. Hey, come on, les oiseaux en arrière! Cet homme est un démon, et on n'a pas besoin de démons comme prisonnier. Il est aussi ton ennemi, Américain. Lui n'hésiterait pas à te tuer. Il est le diable. Allez, vas-y, l'Américain, oui, tue-le. Voilà. Non. Vas-y. Fait que finalement, il y a quelqu'un qui a tiré une balle dans le dos du prisonnier qui symbolisait la viande froide. Et là, bien sûr, tout le monde sont déçus dans le village de Brainwashing parce que l'Américain n'a pas manifesté, en fait, n'a pas été le bras vengeur de la justice droite, WASP, comme on le pensait. Ma gueule, on va aller écouter Little Rhymes, ça vient de... C'est quoi ça? C'est bon, là, c'est Mercury Rêve. Là. On va essayer de prendre un petit break, là, puis on va revenir à 70%. Là. On va introspecter l'Américain, l'Américain, okay. L'Américain. Okay. L'Américain. Ah. L'Américain. L'Américain. Il faut pas le tuer, c'est l'Américain, c'est un sauveur. L'Américain! Bonjour, ici DJ Georges de Radio Cochonnerie. Vous écoutez présentement Choc FM. Hein, c'était DJ Georges. Il est déjà venu à cette émission-là, lui. Ah oui, je me souviens. On continue en nouvelles. La famille Chawner de Blackburn en Angleterre reçoit 22 508 livres par année du gouvernement afin de subvenir à leurs besoins. C'est que, voyez-vous, ils sont trop gros pour travailler. Les Chawner qui n'ont pas travaillé depuis 11 ans en veulent plus. On n'arrive plus à payer les factures et à mettre de la nourriture sur la table, affirme Philippe Chawner. Nous mangeons des céréales pour déjeuner, des sandwichs au bacon pour dîner. Woo, bacon! Et des pâtés micro-ondes avec des patates pilées ou des frites pour souper. Ils ajoutent, les légumes et la nourriture santé coûtent trop cher. Nous sommes gros à cause de nos gènes. Oui, oui. La famille affirme dépenser 50 livres en nourriture par semaine et consommer 3000 calories par jour par personne. Le maximum recommandé étant de 2000 pour les femmes et 2500 pour les hommes. Ouais. Aïe, ah, c'est quoi qu'il faut qu'on fasse? Ils font pitié. Ah oui, ils font pitié, ils sont quatre. Donner sont tous gros, ils peuvent pas travailler, pas ils sont fond. Gros, tu sais, même ouais. Si tu sais, même si tu veux là, tes bras ils se rendent pour faire les tâches là. On n'a pas, on n'a pas abandonné, mais ouais. Amenez-nous de l'argent. Ouais, c'est ça. C'est beau. C'est à cause de l'argent. C'est beau. Ça peut t'en être un autre. Ben ouais, je vais vous parler à ce temps de quelque chose d'un petit peu plus inspirationnel. C'est un chat de gouttière qui quête de l'argent, qui a été aperçu dans une ville de Biélorussie. Le chat avait une pancarte avec lui expliquant « Besoin d'argent pour viande et poisson, Dieu vous bénisse ». Le chat ne quitte jamais sa place et protège l'argent de son regard. Sa propriétaire a été trouvée plus loin et explique « J'ai sauvé le chat de la fourrière, mais à ce moment, je possédais beaucoup d'animaux et n'avais pas les moyens de nourrir un autre chat. » Elle a alors demandé au chat de gagner son argent. Ah oh, ben, lui il est capable, contrairement à la famille de gros lards. Ben tu vois, un chat, asti, s'installe sur le bord de la rue, il fait du cash. Hein? Une chance que ça existe, ouais, internet. Un gros peut s'installer sur le bord de la rue, faire du cash. Ouais. Tu sais, besoin d'argent pour frites et pâtés micro-ondes. Et bacon. Très inspirant. Mais lui, au moins, il travaille. Ben lui, au moins, il travaille. C'est ça, contrairement à d'autres qui prennent le temps d'écrire un email puis de dire que, en tout cas... Stéphanie Balthazar, s'il te plaît, va aider les chatneurs, là. Bon, désolé, j'avais pas de micro, problème réglé. C'est en ça, t'as raison. Ben, je le sais. Amène-en un, là. Au moins, c'est pas parce que t'es grosse. Ah! Moi, ouais, je réussis à sortir de chez nous. Mais, oui, alors, aujourd'hui, je vais vous proposer une superbe technique pour savoir comment prendre une bonne décision. Alors, à prime abord, tout le monde connaît les légendaires techniques du pile ou face, ou demander à un ami, ou faire appel à un astrologue. Ouais, ce qu'on fait tout. Ou réfléchir, c'est toujours une option. Ou ouais, un Américain aussi. Demander à un Américain. What would an American do? Aujourd'hui, moi, je vous emmène la technique de la tente de sudation. Donc, la tente de sudation, qu'est-ce que c'est? À l'époque, les Amérindiens, avant que, bon, les Européens débarquent, ils avaient ce qu'on appelle la tente de sudation pour savoir quelle décision prendre. Donc, comment on construit une bonne tente? On a besoin de peaux d'animaux. On fait une hutte d'environ 1 mètre de haut. Au centre, on met un feu avec 4 pierres qui représentent les 4 directions et on fait une porte vers l'est. Okay. On s'installe 2 à 3 amis, on se met nu, on reste 3 heures et par les fumées et les vapeurs que le feu dégage, on a des hallucinations. Pourquoi les gens faisaient ça, me direz-vous? Pour prendre des bonnes décisions. Ah, ben oui, encore. Mais qu'est-ce qui se produit? C'est le fun d'être à 3 tout nu dans une tente. En soi, c'est une bonne décision. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se produit? C'est que la chaleur et la fumée donnent des hallucinations aux personnes qui sont dans la tente et le chaman dit que, ben, supposément que votre esprit va prendre l'air par la porte de l'est et que l'esprit du grand Manitou entre en vous et vous dit la décision à prendre. Donc, c'est okay. Pour ça qu'on va suer dans la tente de sudation. Après, il faut interpréter notre hallucination. Il faut l'interpréter, oui, avoir une discussion avec le grand Manitou du moment que ton esprit revient d'aller prendre une marche. Bon, ça prend pas juste une tente, ça prend un Manitou aussi. Non, ouais, mais le Manitou, lui, il vient. C'est dans le kit. C'est dans la fumée, okay, c'est ça. Bon. C'est ouais, ouais. Avec la tente. Ah, ouais, c'est bon. Une fois bien réchauffé. Puis, pourquoi la tente de sudation n'existe plus? Il y a des choses. Ben, ça devait donner le cancer, là. Puis c'était plate une tente avec un surgeon warning dessus, tu sais. Attention, passer un an dans cette tente pourrait donner l'impotence. La tente de sudation n'est pas un succès d'adhésure à la cigarette. Eh bien, vous avez faux. Mais, les jésuites canadiens n'aimaient pas ça. On s'en étonne pas, hein, du moment qu'ils sont arrivés sur la Terre Sainte. Donc, ils voyaient d'un mauvais œil que des gens nus, non mariés, passent plusieurs heures ensemble à suer dans une petite tente. Donc, ils ont décidé de mettre fin à ça. Ils n'étaient pas invités. Ben, non, c'est ça. C'est juste pour ça. Le monde sont tout le temps jaloux. Puis, l'autre cause, c'est l'alcool. Quand l'alcool a commencé à être introduite aux Amérindiens, ironiquement, les tentes de sudation ont commencé à foutre le camp. C'est, ouais, c'est devenu désuet. On avait besoin de ça pour avoir des hallucinations. C'était out. C'est ça. Non, mais ironiquement, moi, j'ai jamais pris de bonne décision sous l'alcool. Donc, je me demande ce qui s'est passé avec le système décisionnel des Amérindiens. Tu te le demandes? Ça faisait tellement 16-32. C'était vraiment out. C'était passé. C'est bon, ça. Hey, ben, c'est bon, ça. Ouais, pas pire, hein? J'étais heureuse d'apprendre ça. Donc, aujourd'hui, c'est de retour en 2009 et depuis quelques années, la tente de sudation. Sauf qu'on appelle ça des saunas, surtout visibles dans le village. Puis, vous pouvez aller avec vos amis. Suer en groupe nu. Dans une tente, hein? Puis donc, c'est dans les saunas. C'est ça. Fait que c'est dans les saunas maintenant qu'on prend des bonnes décisions. Puis, c'est sûr qu'il n'y en a pas de quelques-unes. Veux-tu la prendre dans le cul ou dans la gueule? Ben écoute, j'ai passé la suggestion au Parlement à voir. Fait que, c'est notre scientifique qui vient de parler. Ouais. Alors, donc c'est ça, suer pour réfléchir, c'est le conseil ultime pour prendre une bonne décision. Merci beaucoup, Stéphanie Balthazar. Moi, je pense que ça a rapporté. Et puis, on est en train de venir de gagner un level, je pense. Là. Ouais, ça s'en vient, ça passe, merci. Ça va être là. Ouais. En plus, vous la voyez pas, vous autres. Hey, Étienne. Oui. Non, pas toi, l'autre. DJ George. Moi? Ouais. Oh, amène-nous dans ton univers rempli de cadavres et de gens qui hurlent. OK. Ton enfer à la Jérôme Bosch. Israël, tripping d'impatience de choisir un pays. Là. Choisis un pays, Israël. J'y vais, mon Étienne Forêt à moi. Je vais aller au Vietnam, car c'est tout de mise avec le film de ce L'Américain. Soir. L'Américain. Ouais. L'Américain. Alors, encore une fois, on a de la méta-cochonnerie ici aujourd'hui pour le Vietnam. monde reconnaît sa terre. Ben ça, c'est plate pour vrai, genre, c'est même pas drôle. C'est vraiment très plate, effectivement. Ça nous, moi, ça me rappelle un peu les cartoons japonais de mon enfance. Genre des métals. Ah non, c'est toi de Joe Dassin! Ben oui, c'est ça. Il se fait un ami au début, puis il perd à 27. Meta, cochonnerie! C'est, et si tu n'existais pas, évidemment, chanté par N'Gok Lan. Je sais pas si je le prononce bien. Hein. Probablement pas. N'Gok Lan? N'Gok Lan. C'est comme Disney Land, mais... Mais oui, mais au Vietnam. Oui, moi j'aimerais bien aller en Afrique du Sud, mais j'aimerais savoir avant, est-ce que c'est pré-apartheid ou post-apartheid? L'Afrique du Sud, c'est pré. All right. C'est pré-apartheid. Donc, la chanson est pré-apartheid, en fait, mais l'interprétation que j'en ai ici est post-apartheid, donc je vous passe ceci, on va voir si... Ah, t'es bizarre à soi. Ouais. Bon, ça va vous dire quelque chose. Certainement, vous connaissez ça, la chanson. Ben oui, il s'agit de Pata Pata. Donc, c'est le nom de la toune ou l'annonce du gars? C'est le nom de la toune. Originalement, ça avait été mais chanté et popularisé par Myriam Makeba, qui était devenue un symbole anti-apartheid en Afrique du Sud. Mais là, c'est simplement repris par le très sympathique Helmut Lotti, grand producteur de cochonneries devant l'éternel. Donc ça, c'était dans son album Helmut Lotti, Out of Africa. Donc on a quand même hâte qu'il le remette là-bas. It's going extreme. Ah, il a fait plein d'albums. Je recommande particulièrement les succès latins d'Helmut Lotti. C'est aussi un excellent album. J'avoue qu'il y a une petite saveur générique, là, vraiment. Il y a Pierre-Alexandre qui va nous choisir un autre pays. Oui, vas-y donc. On a-tu été en Finlande? On n'a pas été en Finlande encore. Finlande, en fait, je l'ai déjà fait jouer, fait qu'on la passe très rapidement, mais c'est toujours le fun de la réentendre. Il s'agit bien sûr de la version de Smells Like Teen Spirit de Elakalaiset en Humpa. Je vais l'avancer vite. Oh man! Un mot. Pénible. Ouais. Bon, il y en a plein d'autres mots. Très, non? C'est très très bon. Il a l'air de pied à l'aigu. Ils sont quatre en fait là-dedans. Ils ont l'air bien ordinaires. Hein? Ils n'ont pas l'air grunge ben. Non. Tiré de leur album Humpa Karajat avec des trémas sur les A. Tu voulais sauver nous quelqu'un. Étienne, vite trouve un autre pays. Quelqu'un trouve un pays. Okay. Hollande. Ok. Alors oui, ça la Hollande, c'est beau. C'est une de mes chansons préférées dans le international. Il s'agit du groupe Thai Thai. Qui nous chante ici cette chanson connue. Là, vous la reconnaissez peut-être pas encore. Vous allez voir au refrain. Oh, la folie, c'est voilà. Un bon choix, là. T'as des bons choix. J'ai sorti de là, de cet enfer. Mais avec ça en background, toi Étienne, c'est quoi tu penses le plus gros défi qu'un musicien de la relève va affranchir? C'est quoi ton gros Goliath, mettons? Le gros Goliath, les gens achètent plus les gens sont plus curieux, ils achètent plus de disques. Il suffit je pense que c'est ça vraiment le problème en ce moment. Ouais, le monde passe leur temps à checker sur internet. Ouais. Ben c'est pas tant que les gens sont pas curieux, c'est que maintenant les gens vont passer des heures au poste d'écoute des magasins de disques avant d'acheter un disque. Ils essayent plus un peu à l'aveuglette. Ouais, mais je trouve ça dommage. T'es pas sur le poste d'écoute, ben tu. C'est ça. T'es fait. Ben tu sais, comme je sais pas, quand on est au cégep, il me semble que. Moi je me souviens, j'avais découvert Stereolab juste en voyant une pochette. Je me dis, maudit, ça doit être bon. Puis j'avais capoté. C'est allé d'instinct finalement. Ouais, ouais. Ça existe plus. Fait que ça fait que les gens, ils achètent, mettons, une toune ou ben ils l'achètent pas, ils la download sur Internet. Fait que là, c'est ça, un musicien de la relève, le problème, c'est de se faire entendre. Ah, voilà. Et puis toi, Sound of Sea Animals, je veux dire, vous avez un MySpace, vous avez de la place. On a un MySpace qui va... Ouais, ça va bien, là, il y a une belle promo web. OK. On a pas trop de misère à se faire entendre, on commence à faire des shows d'ailleurs. Puis pourquoi t'as choisi de chanter en anglais? C'est pas un statement anti-nationalisme québécois, mais plus un choix artistique. Ça fait longtemps. Mes références étaient anglophones depuis très tôt. Puis Tu ça c'est dit, j'écoute, j'écris la musique en français avec d'autres bands. Ok. Là. Est-ce que tu joues à Magic? Non, j'ai jamais su, j'ai jamais compris comment ça fait. Ah, c'est facile. Toi, Pierre-Alexandre, tu joues à Magic? Ben oui. Ah, bon. Oh, ben, c'est vrai! Quelqu'un qui dit oui, c'est la première fois. Deck Elf, man! Faudrait sortir les ballons, les confettis. Pour toi, je vais prendre un autre ballon. Ça va arriver deux fois. Merci Pierre-Alexandre. Si t'as besoin d'un rein, là. Joyeux anniversaire. Sinon, nomme-nous, mettons, tes influences. Des influences. Influences récentes. Extreme. Extreme. Oh, il y en a plein des influences, Extreme, ouais, c'est pas une influence extreme. Tu connais pas ça. Le band de métal, là. Non. Ben, j'ai des influences. C'est sûr qu'il y a gros des albums des années 60 qui m'influencent beaucoup, ouais. Mais plus précisément. C'est bien trop difficile, c'est comme faire un mais c'est ça veut dire, mettons, je te parle de Steve Hackett, toi tu sais c'est qui, là. Ouais. Oh, et puis c'est bon. Anthony Phillips, toi tu sais c'est qui. C'est ouais, Anthony voilà. Phillips en solo, par exemple. Ah ouais, voilà. Ben c'est lui qui a fait le riff, en fait, de Musical Box, c'était le premier guitariste. Ben oui, ben c'est ça. C'est sûr que j'ai écouté beaucoup de progressif au secondaire, Genesis, Focus... Chet Atkins, man. Chet Atkins, là, je connaissais ça, mais je viens de redécouvrir ça il y a pas longtemps. Ouais, c'est fort. Bon, tu joues dans quel autre band? Tu joues dans Comme un homme libre? Je joue dans Comme un homme libre qui est en éternelle production d'un disque qui viendra. Ouais, ça fait 15 ans. Ouais. Ouais. Puis dans Le Kid et les Marinellis. Ah, ça, je connais pas. Qui est. Anciennement Le Kid, ouais. Ah, ok, wow, c'est ouais, ça. Avec Luc Brien des Breastfeeders, puis les anciens Jet 5. Ah, ben parfait, ouais. Un nouveau projet en français qu'on devrait sortir un album aussi. T'as sorti un record avec le son des animaux de mer? Ouais, un disque qui est disponible en magasin. Tout à fait, ouais, ok. Oh. Qui est sorti... On peut l'écouter dans un poste d'écoute puis pas l'acheter. Exactement. Il est downloadable en quelque part. Oui, on peut aller sur. Non, je veux dire gratuit. Ben, je pense que oui, en fait. All right, ça veut dire que t'es big, man. Eh oui. Ouais. Ou bien pauvre. Ben non, mais paradoxe intéressant, c'est tout le temps les plus gros vendeurs qui sont le plus downloadés. Ben oui, tu sais, il y a pas beaucoup de vendeurs qui savent pourquoi. Je veux dire, l'industrie, c'est pas adapté aux nouvelles méthodes. Tu connais genre Yaka Music, là, nous autres, on en avait un, Frédéric Etterling, qui était passé jadis, puis ça allait pas pire parce que c'est un site, c'est comme un MySpace, puis le monde, ils peuvent donner de l'argent. Puis quand il y a tant d'argent, ben là, le site... finance un album, puis là c'est comme le monde qui a donné ben de oui, l'argent. Ben oui, j'ai entendu parler de ça, c'est peut-être l'avenir. Mais il y a une chose aussi, c'est que les gens, en tout cas la génération d'aujourd'hui, à mon avis, a perdu le sens du son. C'est-à-dire que je pense qu'on était à la dernière génération, nous autres, à avoir connu vraiment les vinyles, puis la... Mm. Ben, la guerre des volumes un peu aussi, ouais, dans le ben mastering. Vraiment, c'est ça. Je veux dire, on a... Moi, j'en achète encore régulièrement des vinyles. Ouais, oui, mais c'est ça. On n'est plus autant. Si je parle mettons, je pense à mon petit frère qui a 8 ans plus jeune que moi. Lui, ouais, il sait que ça existe des vinyles. Puis bon, je l'ai un peu introduit à cet univers-là. Mais d'emblée, il n'ira pas chercher des vinyles. Il ne va pas s'acheter une table tournante. Pour, c'est ça. Fait que lui, il a beaucoup downloadé de musique, supposons. Donc, il y a une compression que lui trouve normale, que nous, on va entendre dans un MP3. Puis, ouais, c'est vrai. Fait que je pense que c'est une grosse différence qui fait que. C'est vraiment intéressant, ça, en fait, comme point. Et voilà, le volume qui évolue. Ben oui, allez, ça change. Étienne, de Sound of Cyanemos, tu vas être sympathique. Tu vas te garder ta guitare pas trop loin. Pense à un indicatif aussi, hein. T'es capable de jouer de la musique. T'es capable de... Oh, ouais, 70% Choc FM, là, je fais ça, j'écoute ça. Si je m'appelle Artel, puis si j'ai envie d'avoir envie de chier, j'écoute 70%. Pis pendant que tu crains que ton... Ah non, mais regarde, je vais faire une collaboration avec Bruno. OK. Je vais faire un indicatif, puis lui, il va me slammer des paroles. Hein? Non? Ouais. Hein? Faites-les là. Non, on me demande Pierre-Alexandre d'abord. Lui va slammer. Là, il a l'air bon. Ah, quoi? C'est ça, ça commence bien. Mais sinon, pendant que tu penses à ça, ta petite affaire, Bruno, il te reste comment de nouvelles? Une seule affaire de fun. Okay, c'est bon. Ben, c'est juste une petite affaire de fun que j'ai trouvé. En fait, c'est une conversation sur un téléphone cellulaire entre un fraudeur et une victime potentielle d'une 419 scam, ou communément appelée arnaque nigérienne. Ouais. Alors, c'est Monsieur Robert Dutou. qui dit « Je suis Robert Doutou, j'ai une importante proposition d'affaires pour votre considération, pouvons-nous en parler? » Mike Nash de répondre « Laissez-moi deviner, vous avez des millions de dollars à me donner, mais je ne les aurai pas, à la place vous allez m'arnaquer avec des frais d'avance. » Doutou répond « Vous avez raison. » Nash, bien apprécié, j'apprécie votre honnêteté. Doutou, de rien. Plaisir de parler avec vous. Nash, bonne chance pour trouver un idiot. Doutou, merci. Il a tout vendu, là. Ouais. Ah, c'est comme le Père Noël, tu sais, faut que tu gardes le mythe en vie. Non, ah, oui, il n'a pas dû admettre dès le départ. Tu nous parles ça encore de Dernier Assaut avant qu'on se quitte? Ouais, ben, je vais parler un petit peu, en fait, de Tout et de Rien. Je vous ai parlé que c'est le film qui a fait que Simon Chénier et moi, on s'est rencontrés. Sinon, ben, ça fait maintenant à peu près un an qu'on fait des visionnements dans une nouvelle place. Je pense qu'on a fait tous les tests nécessaires. Et puis, oui, on va passer en deuxième vitesse, si on peut appeler ça comme ça. Le concept a mordu. Et puis, ben, on va maintenant abuser en variété puis proposer des affaires un petit peu, tu sais, comme des package deals, trois Rambo avec une sauce. Pokémon, mettons, mais c'est ça, on va faire plus des melting pot concepts comme ça. Et puis ben aussi, on va se forcer d'avoir plus de deuxième partie, une deuxième programmation. Comme là ce soir, je suis fier, vraiment vraiment content. Comme j'ai dit tantôt, en mots et mule, Karaté Commando de Chuck Norris nous a été donné. C'est un épisode du dessin animé de Chuck Norris. C'est fabuleux, on va écouter ça tantôt au brouhaha. Sinon, ben pour la semaine prochaine, pour illustrer le propos, c'est soit Shaolin Chastity Kung Fu, qui se veut un des moins bons films de Shaolin qui existe, parce que d'habitude, Shaolin, c'est long, passe de bureau, on s'entraîne longtemps, mais lui, c'est drôle, le village au complet, il en veut, puis Alexander Liu. Alexander Liu, c'est un acteur qu'on n'aura jamais en français. Ça reste celui qui a fait moins 6, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 9. C'est lui qui a fait ça. Alexander Liu. On va le découvrir si jamais c'est ça qui gagne. Sinon, c'est Pimpon, le film. Ah, t'as incroyable. C'est-tu de la variété dans ta face? maintenant, Étienne, amène-nous vers la fin de l'émission. Merci beaucoup, tout le monde. C'était 70%. On va écouter Étienne de Sound of Sienne. L'indicatif, là? Fais ton indicatif. Vas-y dans l'ordre tu veux, pourvu que tu stresses pas. On va jouer la toune avant, puis on va suivre l'indicatif. Bon, ben voilà, il l'a dit. Sister failure, now you're doing fine. You broke the heart of many guys. J'suis trompé. Hey, boy. C'était trop rapide. Sister failure, now you're doing fine. You broke the heart of many guys. And you wonder why you're so alone. You lost your cool. Celebrating your victories too soon. Sister failure, time is running fast. The cigarette is burning out. You waited for the phone to ring. Hey, je suis perdu bien raide, les gars. Faut pas son temps d'indicatif. Et voilà, il vient de nous faire une toune à 70%. Ah, voilà. Hey, ben ça, c'est concept en tabarnak. Ben, je parle-tu de la faire tout seul tout le temps? Ben là, c'est bien parfait. Arrête de te justifier. Ben non, moi j'étais content, là, mais là, il faut booker ça. Ouais, il ouais, faut fermer. Fais l'indicatif, on va t'écouter. On va y aller avec une touche en sol. Un peu country. Ok. Faut que je chante ton indicatif, c'est ça qui se passe là? Ouais. Vous écoutez Étienne Champion, qui fait une tune country à 70%. Il aime pas bien ça, être ici, il sent mal. Il sue un peu des ponts. Il sue un peu des ponts. Il est à 70%. 70%. Il fait toi vomir. Oh ben, hey. Toi, tu joues à Magic, ardis-le, man, ardis-le vite. Elle joue à Magic. All right. Oh. Hey, Étienne Forêt, merci beaucoup, c'était génial. 70% à fond la caisse. Stéphanie Balthazar. Ta présence embellit bien sûr la moyenne. Yeah. Sans oublier la dame là-bas qui n'a pas parlé beaucoup. Pierre-Alexandre, que c'est sa première fois. Hein? Là, on va laisser avec Rep Brown. Rep Brown, qui est un acteur américain qui a mangé de la salade, qui est allé faire des films avec un Italien déluré. On s'en va à 70%. Mais en fait, on s'en va au brouhaha, écoutez ça. Puis Chuck Norris. En fait, c'est ça, Chuck Norris. Dessin animé. Merci. C'est 70% pour moi. Aïe, aïe, c'est pas bon. Les veines me pètent dans le front. J'ai vraiment mal à mon ex-guitare. Le sang est dur. Faut écouter, faut écouter. Tu peux continuer à compter si tu veux, mais avant que t'arrives à 5, je l'aurais tué. Allez, vas-y, Mike. Bouzy dans la gueule à tous ces salauds. Ah, ça alors, c'est courageux. Ce type est un héros comme on n'en fait plus. Allez, fais ce qu'il te dit. Lance-la à ta merde. Je vais te tuer, Jacoda. Tu es tout seul ici, ou il y a d'autres prisonniers? Jacoda a tué tous les autres. Je suis le seul survivant. Et je sais très bien pourquoi. Il m'a laissé en vie. C'est à cause de gens comme toi. De quoi? Toi, tu es courageux alors que moi, j'étais le tout premier à craquer. Martin Baumer, c'est le petit qui a la trouille. C'est la poule mouillée, l'unité. J'ai essayé de résister. Seulement, tu sais, il n'y a pas à dire, je suis douillet. J'ai même la trouille d'aller chez le dentiste, tu sais. Tu comprends? Ouais. C'est pour ça qu'ils nous ont mis tous les deux. Car on est différents. Il se figure que je vais te persuader. Me persuader de quoi? Faites-les sortir! Toi, prends celui-là! Ah. Oh, relax les mecs, relax. Eh bien Martin, tu étais bienvenu aujourd'hui. Et tu t'es comporté en héros. Ça ne te ressemble pas pourtant. On va voir si tu es si courageux. Non, non, Jacoba, non, je t'en prie. Si tu en as envie, tu vois d'eau. Ça fait trop mal, attends-tu. Voilà qui te ressemble plus. Je trouve que tu mérites une petite punition. Ah! Laisse-le tranquille, espèce d'ordure. Ne sois pas si impatient, mon cher Mike. Ton tour viendra aussi, va. Nous allons écouter les informations. Ah. Et toi, Ransom, écoute bien ce qu'il va dire. Commence à lire. Alors, tu lis? Qu'est-ce que c'est, Martin? Martin? Martin Baumer. Vous avez une idée d'entreprise? Le Centre d'entrepreneuriat ESG UQAM est présent pour aider et conseiller les étudiants et diplômés de l'UQAM. Un service de conseiller en entreprise et de nombreuses activités sont offertes pour guider les entrepreneurs. Le concours Mon Entreprise offre également 15 000 $ en bourse pour le démarrage d'un projet d'affaires. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.entrepreneuriat.uqam.ca. Vous écoutez Choc FM. Amis cinéphiles, bonsoir, bienvenue à Écran.